La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, pourquoi et comment le monde devient-il numérique ? Pour discuter cette vaste question pas à pas, j'ai invité Gérard Berry. Bonjour Gérard Berry. Bonjour. Vous êtes chercheur en informatique, professeur au Collège de France. Vous y occupez la chaire algorithmes, machines et langages. Et vous êtes aussi membre éminent du Collège de pataphysique. Ce qui garantit que nous aurons une conversation dopante et gaie. Alors, une légende urbaine dit que le jour de vos 64 ans, vous avez tenté d'impressionner vos petits-enfants en leur disant que vous aviez 1 million d'années, au motif que 64 est égal à 2 puissance 6, ce qui veut dire qu'il s'écrit sous la forme 1-6-0 en langage binaire. C'est vrai ? Ah oui, c'est absolument vrai. Ça a marché ? Alors ça marche très mal, j'ai déjà essayé d'impressionner plein de petits-enfants parce que je suis né le 25 décembre et j'ai essayé de leur expliquer que c'est pour ça qu'il y avait une grande fête à travers le monde. Et jamais aucun ne m'a cru, ce qui prouve que l'esprit critique existe chez les enfants, est très fort. À partir de quel âge ? Oh, j'ai essayé à tous les âges. Alors dans le même genre d'idée, je découvre que votre livre que vous publiez ces jours-ci, qui s'appelle « L'hyperpuissance de l'informatique, algorithmes, données, machines et réseaux », tout y est. Ce livre a exactement 512 pages, vous l'avez fait exprès, de puissance 9 ? Pas du tout, ça a été fait à l'édition. Dans ma version à moi, il n'avait pas 512 pages, il s'écrit 1 milliard en binaire. Et donc, j'ai fêté ça en marquant sur la dernière page qu'elle était le numéro 1 milliard. Ça va impressionner nos auditeurs. Et enfin, question personnelle encore, vous définissez comme informaticien le jour, déformaticien la nuit. Si je définis l'informatique comme la science de l'information, je me trompe pas, c'est bien ça. C'est quoi un déformaticien ? Alors l'informatique c'est la science de l'information et la déformatique c'est le contraire. C'est ça la définition officielle. Alors en fait, quand on parle de les gens font des confusions, ils pensent que la déformatique est la science de la désinformation. Non, ça il y a beaucoup trop de monde sur ce sujet, donc j'ai refusé de faire ça. C'est la science de tout ce qui est déformable. Le langage est déformable, la physique newtonienne n'est pas de la déformatique, mais la physique einsteinienne l'est, la physique quantique aussi. Parce qu'elle déforme l'espace-temps ? Parce qu'elle déforme l'espace-temps, voilà. Et donc, l'informatique est tout à fait... On peut déformer énormément de choses dans l'informatique, et puis c'est une science qui s'occupe aussi du langage, et des paradoxes qui sont très très importants en informatique. La compréhension des paradoxes est vraiment très importante pour nous. Vous rappelez dans votre livre que l'ancien nom pour désigner l'ordinateur était cerveau électronique. Absolument. Est-ce qu'on n'aurait pas dû garder cette appellation ? Alors, parce que finalement, c'est ça, un ordinateur. Non, parce que le cerveau, c'est une bête qu'on connaît pas trop quand même. Les gens travaillent dessus, il n'y a pas longtemps qu'ils peuvent aller voir dedans. Et quand on dit cerveau, on pense intelligence et c'est revenu avec intelligence artificielle. Et c'est un mot très ambigu. Donc cerveau est un mot très ambigu. Un ordinateur, ça marche pas du tout comme le cerveau. On sait pas trop comment marche le cerveau quand même, mais un ordinateur, ça marche pas comme ça. Et c'est plutôt une machine très rapide et extrêmement bête qui fait des choses très très vite, très bêtement. Le cerveau, ça n'a pas l'air d'être trop ça, on ne sait pas très bien. Mais donc ça donne aussi quand on prend le mot cerveau, ça donne des idées fausses de science-fiction fausse, la science-fiction réelle. Ce qui s'est passé est plus intéressant que la science-fiction fausse, quelque part, je trouve. Et de même que le mot intelligence artificielle donne des idées aux gens qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on sait faire pour l'instant, qui est l'apprentissage, qui est très important, mais qui n'est pas, comme dit Yann LeCun, un des créateurs de ça, on est loin du niveau de l'enfant de 2 ans à l'heure actuelle. On l'a reçu dans ce voilà. Studio pour nous parler justement d'intelligence artificielle. On reviendra quand même sur le sujet. Oui, bien sûr. Mais avant de l'aborder, on doit remarquer qu'il y a des glissements de sens. Par exemple, Vous revendiquez le fait que vous êtes chercheur en informatique, mais l'informatique est un mot qui a disparu, qui a été remplacé par le mot numérique. Est-ce que c'est la même chose ? Et qu'est-ce que signifie ou qu'est-ce qu'implique ce glissement de sens ? D'où il vient d'abord ? Alors, il vient... Bon, moi j'ai envoyé le plan numérique dans mon premier cours de 2007 qui s'appelait... Oui, j'ai repris titre de l'émission, le titre de votre cours. Parce que je voulais dire que dans le monde numérique, il n'y a pas que l'informatique. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la numérisation du monde, c'est-à-dire la fabrication de données informatiques à partir de capteurs qui sont de la physique. très important. Il y a les mathématiques appliquées, la résolution d'équations à l'aide d'ordinateurs qui nous permet de faire voler des avions. C'est pas les informaticiens qui font voler les avions, c'est les automaticiens et les aérodynamiciens. Les informaticiens font les programmes qui contrôlent en fonction des connaissances des autres. Et donc, je disais que le monde numérique est beaucoup plus large que l'informatique. Mais après, on a vu disparaître l'informatique, alors que c'est quand on est quand même le centre et le cœur. Moi, j'ai eu toujours la théorie que c'était parce que les gens n'ont jamais voulu comprendre ce que c'était. Beaucoup de gens, pas tous, n'ont jamais voulu comprendre ce que c'était vraiment l'informatique et que changer de mot, ça leur permettait d'être d'accord entre eux sur le fait qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre. Donc le mot numérique, de même que le mot codage qui remplace la programmation, a pour effet qu'on peut en parler à plusieurs sans savoir ce que c'est, vu qu'on utilise le même vocabulaire, mais qui n'est pas le même que ceux qui font la chose. Ça c'est vrai, on ne programme plus, on programmait dans ma jeunesse. Aujourd'hui, on code. Non, ça c'est pas si simple. On dit langage de programmation, on dit pas langage de codage. On dit on code, pas forcément chez les gens qui programment. Oui, on développe maintenant, on dit en plus. On développe, on code plus, on développe. Bon, ceci dit, les choses se normalisent, les gens commencent à chercher à comprendre de plus en plus parce qu'ils voient que c'est important. Et c'est pour ça que j'ai fait mon livre, hein. C'est pour expliquer aux gens que c'est compréhensible. Parce que les gens ont longtemps pensé que c'était pas compréhensible. Mais si, bien sûr, c'est compréhensible. Tout est compréhensible. Peut-être que les informaticiens n'ont pas tout à fait le travail qu'il fallait pour que les gens non informaticiens comprennent. Donc, j'ai essayé de contribuer à ça. Alors, on enseigne très peu l'informatique à l'école, moins que ce que vous souhaitez en tout cas. Et pendant longtemps, l'argument était que l'informatique n'était pas une science. Et vous vous opposez à cet argument. Mais avec quels arguments ? C'est très simple. C'est quand on regarde l'épistémologie des sciences, on comprend son autonomie. Elle ne parle pas des mêmes objets que les autres sciences, que la physique, que les mathématiques. Elle est évidemment liée aux mathématiques. Elle est aussi liée à la physique, mais elle ne parle pas des mêmes objets. Elle n'a pas les mêmes modes de travail. Elle n'a pas les mêmes modes de raisonnement. C'est pas une science naturelle. Elle s'intéresse pas aux objets de la nature. Elle s'intéresse à des objets synthétiques qu'on fabrique nous-mêmes. Il n'y a pas d'ordinateur dans la nature. Il y a évidemment des algorithmes partout. La biologie est pleine d'algorithmes, mais c'est pas la même chose. Et les raisonnements qu'on fait n'ont jamais existé pour la plupart du temps dans les autres sciences. Donc c'est comme ça que se crée une science. Alors vous dites par exemple que la pensée algorithmique se distingue radicalement de la pensée physique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ma thèse centrale, c'est que il y a une grande différence entre le 20e et le 21e siècle. Le 20e est organisé autour du triangle de la physique, c'est-à-dire la matière, l'énergie et les ondes. Les ondes étant arrivées plus tard que les autres, mais la matière, l'énergie et les ondes sont des choses qui sont... Bon, les ondes, c'est moins tangible, mais quand même, on voit la lumière, on entend le son. Ce sont des choses tangibles sur lesquelles on fait des raisonnements qui correspondent à nos sens. L'information, c'est beaucoup moins clair. C'est une notion qui n'est pas liée à la matière. La musique, ça se stocke aussi bien sur un CD, une mémoire, une clé USB ou un brin d'ADN. Donc c'est pas le support qui compte. C'est pas le support qui compte. L'information, c'est quelque chose qui peut être reproduit exactement. Alors les physiciens nous diront exactement à une précision arbitraire, mais elle est tellement extraordinaire qu'on peut l'appeler exactement. Alors que reproduire la matière exactement, c'est un problème. Ça pèse pas, ça sent pas, ça brûle pas. C'est très différent de conception. Et en plus, on travaille pas du tout de la même, on la façonne pas du tout de la même façon. D'ailleurs, on voit l'accrochage aux anciens mots. On le voit très bien. On dit combien pèse ton fichier. Je réponds de moins en moins lourd avec l'amélioration de la technologie. Mais parce qu'il ne pèse rien, donc si on me demande combien pèse son support... Il y avait une histoire très très édifiante d'un ami qui travaillait en Israël. Il avait un copain qui faisait des programmes pour faire voler le premier avion de chasse israélien. Et il y avait le responsable du poids de l'avion qui venait le voir et qui lui disait « Combien pèse votre logiciel ?» Et il disait « Mon logiciel ne pèse rien ». Et l'autre répondait « Mais enfin, tout le monde me dit ça, tout le monde me dit que ce qu'il fait, ça pèse rien, mais c'est pas vrai, l'avion est toujours trop lourd ». Et un jour, le programmeur, à l'époque, c'était des cartes perforées, descend avec son carte perforée, son paquet de cartes perforées, l'escalier pour aller au centre de calcul, et croise le responsable du poids qui lui dit « donnez-moi ce paquet de cartes, je vais savoir combien pèse le logiciel ». Et l'autre lui a répondu très joliment « Mais vous savez, la seule chose qu'il y a dans l'avion, c'est des trous ». Alors ça m'amène à une question relative à la machine de Turing, dont vous parlez abondamment dans le livre, qu'il a conceptualisé en 1936, dans un article célèbre, tout le monde en parle. Mais c'est quoi exactement cette machine de Turing? Et en quoi peut-elle être dite machine universelle? Voilà, alors ça c'est un problème central. Il existe en informatique des machines universelles. Alors, en 36, il y a eu deux découvertes quasi simultanées. En fait, c'est pas Turing qui a montré le grand théorème d'indéfinissabilité le premier. C'est Alonzo Church, mais ils étaient à l'époque ensemble. Je sais pas s'ils étaient chien chat ou pas. Et Alonzo Church a inventé un langage logique qui s'appelle le lambda calcul, mais sur lequel j'ai énormément travaillé, qui est le fondement de la programmation moderne. Mais c'est un langage compliqué, technique. Expliquer le lambda calcul, c'est long. Et Turing avait l'idée que tout ça devait être super simple. Et donc la machine de Turing, c'est une machine la plus rudimentaire possible. Une bande sur laquelle on écrit des caractères en nombre fini, une tête de lecture-écriture, un mécanisme qui fait bouger la bande à gauche ou à droite, et une unité de contrôle qui a un nombre d'états finis et qui dit, et ses instructions, c'est tout simple. C'est quand je suis dans l'état 3 et que je lis la lettre A, je bouge la bande à droite, je bouge la bande à gauche, ou alors j'écris un B à la place. C'est tout. Et il a montré qu'avec cette machine, on pouvait faire tous les calculs connus. Ensuite, c'est-à-dire on pouvait fabriquer. C'est en ça qu'elle est universelle. Ah non, pas encore. Il a montré que pour chaque calcul, on pouvait fabriquer une machine qui le ferait. Ensuite, il a montré quelque chose qui est vraiment la clé de l'informatique. C'est qu'en fait, il suffisait de fabriquer une seule machine, la machine universelle, et d'inventer la notion de logiciel quelque part, de programme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une machine séparée qui ne fait qu'une chose et qui a une bande dans laquelle il y a ses données, on prend une machine universelle et sur la bande on met deux choses. On met un programme et des données qui sont représentées exactement de la même façon. Et le programme dit à la machine universelle comment elle va se transformer dans la machine spécifique. Et donc, il y a une conjecture, c'est que la machine de Turing, la plus bête de la Terre, est exactement équivalente à n'importe quelle autre machine universelle. Les ordinateurs actuels sont des machines universelles, ce ne sont pas des machines de Turing, mais ça n'a aucune importance. Tous les ordinateurs de la Terre sont totalement équivalents dans leur puissance, quelle que soit leur marque, leur façon de faire, leur langage machine. Voilà. Ça n'existe pas en physique, à ma connaissance. Ça veut dire que les données et les programmes ont le même statut, finalement. Les données et les programmes, c'est la même chose. Et c'est fondamental. C'est pour ça que vous pouvez télécharger une application. Vous la téléchargez en tant que donnée, puis après, hop, vous l'appelez un programme. Et si on n'avait pas ça, on n'aurait pas Internet, par exemple. On n'aurait rien, en fait. En lambda calcul, c'est caché, ça. C'est très, très caché. Ça existe aussi, mais il faut vraiment les déterrer profond. Alors que la machine de Turing, c'est un objet pour les enfants. C'est pas un objet... Bon, ça sert à rien, en pratique. Mais c'est un objet théorique qui montre que fabriquer une machine universelle, c'est super simple. Oui ? Est-ce que ça veut dire que c'est toujours simple, l'informatique ? Non, ah ben non, c'est toujours pareil. Par exemple, Claire Mathieu, qui enseigne les algorithmes probabilistes en ce moment au Collège de France, montre des algorithmes d'une simplicité fabuleuse, mais ils font rien, quoi. Alors comprendre pourquoi ils donnent le résultat escompté, ça c'est pas simple. Mais c'est un peu souvent comme ça en physique aussi. Un transistor, c'est pas très compliqué. Inventer le transistor, attention, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Et en fabriquer 30 milliards sur une puce, c'est autre chose. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, moi j'adorais lire les bouquins à la radio, mais c'est très simple, qui montraient le fonctionnement des triodes, des pentodes, c'est des monstres de vulgarisation. Mais enfin, pour inventer ça, donc c'est simple une fois que c'est connu. Alors on a dit, Gérard Berry, que selon vous, et c'est une définition que je crois universelle pour le coup, l'informatique c'est la science de l'information. Science et technique de l'information, on pourrait ajouter peut-être. Mais aujourd'hui, il existe une science des données. Il y a même un cours au Collège de France donné depuis cette année par Stéphane Mallard. Alors c'est quoi une science des données ? En quoi ça se distingue de l'informatique ? Oui, alors le mot information et le mot données, il faut les comprendre soigneusement. Une information, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est quelque chose de très dur à définir. Par contre, une donnée, c'est quelque chose qui va finir par être codé comme un nombre. Un exemple, c'est la température. Dans ce studio, il doit faire, mettons, 20 degrés. Bon, 20, c'est un nombre, c'est une donnée. Degré, c'est un symbole, c'est une autre donnée. Donc 20 degrés, c'est l'ensemble de deux données. Ça suffit pas pour être une information. Faut savoir si c'est des degrés Fahrenheit, Réaumur, il n'y a plus trop, ou Celsius ou Kelvin. D'accord ? Donc il faut donner une autre précision, qui est une autre donnée. Donc la vraie donnée, ça va être 20 degrés Celsius ou 20 degrés Kelvin, qui n'est pas la même chose. Là, ça va être des données, c'est des nombres sans aucune charge sentimentale. Un ordinateur n'a pas de charge sentimentale. Par contre, on dit, il fait 20 degrés, donc il fait bon. C'est que quand on dit ça, ça veut dire qu'on prend la donnée 20 degrés, mais qu'on la place dans un énorme contexte, qui est le contexte de notre vie courante, dans lequel 20 degrés Celsius est une température agréable. C'est moins vrai pour 20 degrés Kelvin. Et donc, la notion d'information est toujours relative à un environnement dont on ne précise en général pas le sens, alors que la notion de donnée est intrinsèque. Quand on a mis des nombres 20 Celsius, ben voilà, la donnée est bien définie, mais l'information qu'elle contient n'est définie que par rapport au contexte dans lequel on l'emploie. Alors, la science des données, c'est de dire que maintenant, on a des données absolument massives, c'est-à-dire, par exemple, je fais un congrès le 2 mai sur l'imagerie médicale et l'apprentissage, donc avec des médecins et des spécialistes de l'apprentissage, parce que maintenant, par exemple, on sait lire les radios médicales, on sait les lire avec des ordinateurs, avec des algorithmes d'apprentissage et des ordinateurs, on est à peu près au niveau des hommes. Chose qui est difficile à définir parce que le niveau des hommes, on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc il va y avoir des discussions là-dessus, aussi juridiques. Donc ces données massives, l'ordinateur, l'algorithme d'apprentissage, et l'ordinateur n'ont aucune interprétation. Ils n'ont pas de bon sens, ils se foutent complètement de ces données quelque part. Donc ils vont nous donner des résultats. Ces résultats, l'interprétation, ce n'est pas dans l'ordinateur, c'est chez le radiologue. Est-ce que ces résultats sont bons ou pas, etc. Donc les données elles-mêmes, donc l'analyse de données massives, c'est essayer d'extraire de l'information à partir d'énormément de données. Mais l'information n'est pas dans l'ordinateur. Elle est dans... L'ordinateur va essayer de nous donner d'autres données, beaucoup plus compactes. Par exemple, on a analysé, mettons, 500 000 radiographies annotées par des humains, et ça va nous dire, le système va nous dire, là, cette lésion est bénigne, ou là, cette lésion est maligne, par exemple. Eh ben, ça, c'est une information pour nous, pas pour l'ordinateur. Donc, le radiologue va lire cette information, et à comparer à la sienne, qui est peut-être pas la même, d'ailleurs, et essayer d'en déduire une information. Donc, les ordinateurs ne contiennent pas d'informations, ils contiennent que des données. Ou alors, si on veut, ils ne sont pas au courant qu'ils contiennent une information. Et donc, le jeu est toujours entre les deux. Nous ne pouvons pas travailler sur des très grandes masses de données. Les ordinateurs peuvent le faire. Et le problème, c'est d'avoir des informations. Alors, vous parliez d'algorithmes qui peuvent être très simples. La conversation scientifique aussi, on a des règles simples. On ne parle pas de 20 degrés, mais de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on passe le premier morceau de musique choisi par l'invité. Et vous, Gérard Berry, vous avez choisi une chanson des Frères Jacques. Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en tirant d'été. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Ce que c'est beau, la photographie, bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané. Ne bougeons plus. Attention, 1, 2, 3, j'appuie. On s'ouvre. Gérard Berry, ce que c'est beau la photographie par les frères Jacques, ça fait de l'effet sur l'amateur que vous êtes? Oui, bien, pour plusieurs vous raisons, d'abord parce que fait. Je suis photographe. Et d'ailleurs, j'avais demandé une question pour vous, ça. J'avais demandé à Patrick Flandrin, qui est un grand traiteur de Signal à l'École normale supérieure de Lyon, de faire, en même temps qu'il y avait un exposé sur la photographie, de faire, peut-on prendre une photographie du son? Pour réfléchir longuement à ça. Malheureusement, on peut pas vraiment, mais c'est l'incertitude de Schrödinger. Mais c'est un autre sujet. La photographie. Avec Alain Cohn, on a posé la question, est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour? Oui, alors ça, c'est une question assez reliée d'ailleurs, ouais. C'est un peu inverse, mais c'est la même. En fait, pour moi, la photo, j'en parle énormément dans mon livre. Il y a tout un chapitre là-dessus et sur l'imagerie médicale qui est pas très différente. Ça a beaucoup de vertus. D'abord, ça gèle le temps. Donc, ça transforme un instant en éternité. Donc, c'est quand même pas rien. Et en plus, les appareils photo modernes sont une des meilleures explications possibles de la liaison entre informatique et physique. C'est-à-dire qu'un appareil photo moderne, c'est essentiellement des algorithmes à l'heure actuelle, avec une physique qui doit être d'excellente qualité, mais qui devient de plus en plus simple et la complexité devient dans les algorithmes. Un exemple, c'est avant, on faisait des objectifs et on essayait de minimiser leur distorsion, parce que ça, un objectif, ça tord forcément les lignes droites et tout ça. On essayait de les minimiser. Maintenant, on n'essaye plus du tout ça. On essaye de faire des objectifs plus simples, qui ne les minimisent pas, parce qu'avec des algorithmes, on peut faire tout ça. On corrige tout. Et par exemple, si un téléphone prend des bonnes photos, eh ben c'est parce qu'il fait pas du tout comme un appareil d'avant. Il prend d'abord beaucoup de photos. Donc, quand on prend une photo, en fait, il va pas faire son image finale à partir d'une, mais à partir de beaucoup, mettons une quinzaine. Et il peut faire des choses extraordinaires, qui sont d'ailleurs quelquefois un peu inquiétantes, par exemple. S'il y a un groupe avec 15 personnes, puis qu'à un moment, il y en a une qui ne sourit pas, dans une des 15 photos et qui sourit dans l'autre, on peut extraire la tête où il sourit pour être sûr que tout le monde sourit dans la photo. Le KGB à côté, c'est vraiment des amateurs. Et ça, c'est fait dans vos téléphones, ce genre de choses. Automatiquement, il faut le demander. Ah non, on peut pas l'enlever, malheureusement, des fois. Et malheureusement, c'est fait dans les appareils un petit peu professionnels ou d'amateurs éclairés. On peut faire ce qu'on veut, mais dans les téléphones, on vous laisse pas le choix là. On vous laisse pas enlever les photos. Donc c'est la notion de photo instantanée commence à avoir du plomb dans l'aile. Mais par exemple, ça permet de réduire énormément le bruit. Avant, les appareils photo, le téléphone prenait des photos de très mauvaise qualité. Maintenant, ils prennent des photos de très bonne qualité. C'est surtout à cause des progrès des algorithmes. Votre chapitre sur les bugs est un des plus gros du livre que vous écrivez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bug, en fait? On raconte souvent que c'est une informaticienne américaine, Alice Hopper, qui a inventé cette expression. En fait, elle est utilisée depuis très longtemps par les ingénieurs, notamment par Thomas Edison. Oui. Un bug, c'est un défaut dans le passage du proto à... version industrielle, voilà. Thomas Edison. Edison, il disait, les bugs, c'est tous les petits ennuis qui nous arrivent, qui fait que c'est très dur de passer à quelque chose qui a l'air de marcher, à quelque chose qui marche vraiment. Et c'est pareil pour les programmes. Alors les bugs, moi je les explique toujours d'une façon assez simple, c'est que programmer, c'est franchir un gouffre entre deux individualités totalement différentes. L'homme qui est donc assez intuitif, moyennement rigoureux, il fait ce qu'il peut, même le mathématicien fait ce qu'il peut, il le sait, et puis lent, et puis l'ordinateur qui est super rapide, ne fait jamais d'erreur quasiment, dans le monde physique on peut considérer qu'il fait pratiquement jamais d'erreur, et est extrêmement bestial et sans aucune forme de pensée. Et donc passer de l'un à l'autre, c'est une grande aventure. Donc il faut écrire tout dans tous les détails, Rater un petit détail peut générer une erreur. Et que l'ordinateur va, ce que ne fait pas l'homme, amplifier de façon gigantesque. J'adore le bug du F-22 Raptor, l'avion à 350 millions de dollars, la fierté des États-Unis à l'époque, l'avion furtif. 12 F-Raptor partent de Hawaï pour aller à Okinawa, avec leur ravitailleur, c'est pas à côté, hein. Et c'est pas des avions qui volent longtemps sans essence, donc il faut qu'ils têtent leur ravitailleur très souvent. Et arrivé à la ligne de changement de date, tous les ordinateurs de tous les avions, sauf les ravitailleurs, s'arrêtent et refusent de redémarrer parce que les personnes qu'on va écrire le programme avaient oublié de s'occuper de la ligne de changement de date et ça a planté l'intégralité des systèmes. Donc les avions se sont retrouvés sans ordinateur, sans navigation, sans radio, sans rien, à 350 millions de dollars pièce par 12. Ils ont fait demi-tour, heureusement il faisait beau, je sais pas comment ils sont battus entre eux pour têter les navigateurs, ça a pas dû être simple, et bon, ils sont revenus sains et saufs, simplement parce qu'un micro-détail a tué l'ensemble du système. A été oublié. Voilà, et un bug est toujours une erreur humaine. Les gens pensent qu'un logiciel tombe en panne. On l'attribue à l'ordinateur en général. On l'attribue à l'ordinateur. Et par exemple, j'ai fait pas mal d'expertises dans des domaines avioniques, nucléaires, etc. Et des fois, on me demande quelle est la probabilité que ce programme ait un bug. Alors, c'est normal pour un physicien de poser cette question. Lui qui raisonne toujours, pour moi, je réponds, mais c'est simple, c'est 0 ou 1. On me dit, mais que voulez-vous dire? Ben, je dis, bah oui, c'est 0 s'il n'en a pas, puis c'est 1 s'il en a, hein, c'est assez simple. C'est votre côté binaire. Oui, mais c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quelle est la probabilité que ce bug se produise? Ah, c'est pas la même question. Par exemple, Ariane 5 a été tué au décalage, au premier lancement, par un bug qui existait depuis toujours, mais qui s'était jamais produit parce que la trajectoire d'Ariane 4 n'était pas la même que celle d'Ariane 5. Et trouver ces bugs, c'est très cher. Et par exemple, pourquoi est-ce que Ariane 5 a explosé? Parce que, à l'époque, on avait décidé de simuler le vol d'Ariane 5 sur la trajectoire d'Ariane 4 pour faire des économies. Et la petite économie de simulation a coûté, j'ose pas penser au nombre de dizaines ou de centaines de millions d'euros de faire péter la première fusée, la première démonstrateur de la puissance de l'Europe avec les satellites qui contenaient, qui n'étaient pas assurés. Donc un bug, c'est un micro-détail qui va provoquer une macro-catastrophe peut-être. Mais est-ce qu'un humain, dont vous dites vous-même qu'il est limité, il le sait, peut écrire de gros programmes sans bug? Alors, il est très très facile et très employé. Les méthodes pour écrire des programmes avec bug sont très employées. Ça demande une rigueur extrême. La différence, c'est quand, par exemple, quand on fait des mathématiques, on peut écrire des démonstrations fausses. Mais si le théorème est juste, c'est pas très grave. On va corriger. Toutes les démonstrations mathématiques sont corrigées dans leur vie. Mais là, c'est le programme, c'est la démonstration. Donc, si la démonstration est fausse, c'est le système qui marche pas. Donc, on peut. Alors, il y a des travaux fondamentaux qui sont faits à l'heure actuelle en France, par exemple, qui est assez leader sur ce sujet, mais un peu partout, sur faire des programmes qui sont prouvés mathématiquement, sans certains types de bugs. On peut pas toujours, par exemple, sur un vote électronique à grande échelle, dont tout le monde parle, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas, à l'heure actuelle, écrire un vote électronique qui réponde aux contraintes. C'est pas un problème de bug, c'est que les contraintes qu'on donne, on sait pas les satisfaire. On sait pas écrire le programme, simplement. Il y a pas de bon algorithme par rapport aux méthodes manuelles. Et pourquoi? Oui, pourtant, on l'utilise. Oui, on l'utilise, mais alors c'est souvent parce que les gens ne savent pas. Hein. Aux États-Unis, par exemple, ils ont utilisé en grand les votes électroniques, mais on sait qu'ils étaient totalement buggés. Et des informaticiens l'ont montré. Ils ont décortiqué des machines, montré qu'elles étaient pourries de bugs. Mais ça ne suffit pas à invalider les résultats? Non, parce que les politiciens n'ont aucune idée de quoi il s'agit, tout ça. Un politicien, les bugs, ça n'existe pas chez les hommes, ou très très peu. Ça existe très peu en physique. Je veux dire, moi, une fois, je rentre chez moi en voiture, j'ai une berlingot, je pensais que j'avais une 4L, hein, une berlingot diesel, puis je rentre chez moi tard le soir, après avoir beaucoup travaillé, et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai la clé dans la main et le moteur tourne encore. Et je me dis, ça peut être qu'informatique, ça, on peut pas faire ça avec de la mécanique. Et effectivement, je suis allé au garage, et le lendemain, les garagistes m'ont dit, tout fiers, d'abord, ils étaient très embêtés, ils disent, oh là, c'est de l'informatique, on va jamais arriver à trouver, et ils m'ont dit, ce qui empêchait le moteur de s'arrêter, c'était un faux contact dans le contacteur qui allume le feu stop. Donc ça montre que le système est mal foutu, faut être clair, hein, parce qu'un problème dans le contacteur du feu stop qui empêche le moteur de s'arrêter, ça avec de la mécanique on sait pas faire, mais ça prouve qu'il y a des systèmes mal foutus. Et à l'époque, je dirais qu'en automobile, puis c'est peut-être vrai maintenant encore, les systèmes sont, on peut pas dire que ce soit à l'état de l'art. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Vous avez beaucoup de devises hein, qui sont réparties de façon à peu près régulière dans votre livre. L'une d'elles, c'est « Je n'ai jamais fait d'erreur ». Enfin, « Je ne fais jamais d'erreur ». Une fois, j'ai cru en avoir fait une, mais je m'étais trompé. Oui, c'est une de mes devises. C'est le pataphysicien qui parle ou c'est sérieux? Non, c'est sérieux. C'est les gens qui pensent qu'ils programment juste. Les gens qui pensent qu'ils programment juste sont assez dangereux. C'est comme les mathématiciens qui pensent que ils inventent un théorème, il va être vrai, ou les physiciens qui quand ils inventent un appareil, il va marcher. Non, la vie c'est plus dur que ça. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dit je ne fais jamais d'erreur, eh bien, il est en train de se construire des paradoxes tout seul très vite. Ben, il y a un cas célèbre en physique, c'est Wolfgang Pauli qui avait comme thésard Victor Weisskopf qui fait un calcul, il le présente à Pauli, il y a une erreur, le thésard a honte. veut arrêter son travail de physicien, il estime qu'il n'est pas digne. Et Paoli lui répond, tout le monde fait des erreurs, un seul n'en a jamais fait, moi. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, bah oui, oui. Alors, est-ce que le big data, dont vous parlez aussi beaucoup, va changer la façon de faire de la science? Je vous pose la question parce que si on réfléchit à la façon dont la physique moderne est née avec Galilée et tous les autres, Newton et la suite, on voit qu'ils ont trouvé des lois physiques vraies, la chute des corps par exemple pour Galilée, alors qu'ils n'avaient pas de données ou très peu de données. À l'époque, 17e siècle, on ne savait pas mesurer la vitesse d'un corps qui tombe, ni son accélération évidemment. Il a quand même trouvé la bonne loi de la chute des corps. Einstein, en 1915, quand il publie les équations de la relativité générale, il a pas de données sur l'univers. On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas d'où viennent les étoiles brillent. On ne connaît pas les forces nucléaires. On ne sait pas qu'il y a d'autres objets célestes que les planètes, les étoiles ou les comètes. Et il a les bonnes équations de la gravitation, celles qu'on utilise aujourd'hui encore pour faire de la cosmologie scientifique. Et la question c'est, est-ce que l'accumulation de données gigantesques pourrait conduire à une situation où on pourrait se passer des lois physiques? C'est-à-dire le réel parlerait au travers de ces données sans qu'on ait besoin de lois théoriques qui permettent de recueillir ces données. Alors, je pense qu'il faut élargir un peu la question, parce qu'en ce moment, on ne parle plus que des données massives, mais en fait, il y a trois choses. Je pense que l'informatique est en train de révolutionner toutes les sciences, mais pas seulement par les données, par trois choses. Je parlerai des données, bien sûr, beaucoup. Trois choses. La modélisation, parce qu'avant, on faisait de la modélisation mathématique, mais il y a très peu de choses qu'on peut modéliser mathématiquement, et la physique s'y prête, mais par exemple, très très mal la biologie. Pas beaucoup de pans de la biologie qui peuvent se modéliser mathématiquement de façon simple. Mais parce qu'il n'y a pas de loi biologique qui soit l'équivalent des lois physiques. Surtout, les lois physiques, on est content quand elles font 6 caractères, d'accord. En biologie, on regarde l'ADN, il ne fait pas 6 caractères. Donc il y a un problème de nature de l'objet dont on parle. Alors la modélisation, justement, devient algorithmique. On sait que la biologie est extrêmement algorithmique. C'est un sujet qui démarre, hein. On n'est pas du tout au même stade que la physique, mais donc la modélisation, comment décrire les phénomènes, rien que ça. En biologie, on sait, par exemple, il y avait hier une leçon inaugurale de Denis Duboule, extraordinaire sur l'embryologie, et on sait décrire, on sait expliquer pourquoi notre colonne vertébrale, c'est la même chose que le dos de la mouche. C'est quand même extraordinaire, ça rend modeste d'ailleurs. Et vous voilà. Et donc ça, ce sont des algorithmes qui produisent la colonne vertébrale de façon très très précise. Bon, donc ça, ça se décrit pas bien avec des maths, ça se décrit bien avec de l'informatique quelque part. Donc les algorithmes. La deuxième chose, c'est la simulation, simuler l'univers. Ça, c'est pas forcément des grandes données. On le fait pour les galaxies, parce que pour les galaxies, il y a un très joli problème de physique qui était posé par un de mes copains, qui était définir l'univers qui nous la notion d'univers qui nous entoure et donner deux exemples. C'est exactement ça que fait la philosophie, la simulation. Par exemple, les gens comme Romain Tessier, etc., qui simulent les galaxies, ils sont en train de fabriquer un monde virtuel. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire marcher plus vite que le monde réel. Si on regarde l'évolution des galaxies, c'est pas terrible au niveau de la physique. C'est un peu lent pour nous, quoi. Mais par contre, en simulation, on peut faire évoluer les galaxies. Évidemment, on reproduit pas l'univers, mais on reproduit des phénomènes qu'on voit à d'autres endroits dans l'univers. Oui, mais on peut le faire parce qu'on connaît les lois de la gravitation. On peut le faire parce qu'on connaît les lois de la gravitation. Donc là, c'est le couplage vraiment entre physique, mathématiques et informatique. Celui-là est fondamental. Mais les trois sont à égalité. Avant, on pensait que l'informatique, c'était les ingénieurs qui allaient s'en occuper. Ça, c'est fini. Quand on recherche le boson de Higgs, bah, s'il n'y avait pas d'analyse de grandes données, il n'y aurait pas d'expérience, simplement. Donc, s'il n'y avait pas de physique non plus. Oui, mais s'il n'y avait pas d'équation disant quelle tête il doit avoir, on ne l'aurait pas trouvé. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a les trois. En photographie, c'est pareil. S'il n'y avait pas les mathématiques du traitement d'image, et les électroniques des circuits, et les logiciels, et les algorithmes et les logiciels, on ne saurait pas faire de la photo, donc c'est toujours pareil. Alors les grandes données, c'est une nouveauté, parce que ça ne fait pas longtemps qu'on en a. Mais si on prend, par exemple, en biologie, là c'est clair que les grandes données, le génome, ben, pendant très longtemps, on disait, par exemple, il y a de l'ADN codant, un tout petit bout d'un tout petit pourcentage de l'ADN, puis le reste c'est du junk ADN, là, c'est de la poubelle. C'est n'importe quoi, ça, on le sait. C'est du dogmatisme. Et on sait, maintenant, on sait qu'on peut commencer à comprendre par exemple, la phylogénie. La phylogénie, c'est l'étude des espèces à travers l'ADN. on peut retrouver des choses et puis montrer que des notions anciennes n'étaient pas vraies, puis retrouver des notions d'héritage entre les espèces, etc. On ne peut le faire que par des grandes données. L'ADN, c'est une grande donnée. C'est des milliards de lettres, donc c'est pas très gros hein, pour un informaticien, mais quand même, c'est sérieux l'ADN. Et quand on prend de l'ADN de milliers d'individus, etc., c'est des données absolument massives. Alors c'est tellement massif qu'un des freins, c'est qu'on sait plus mettre, on sait plus fabriquer assez de disques pour mettre les séquençages d'ADN qu'on fait. Donc ça va être limité par la physique pour le coup. Il y a un problème de support. Ben, il y a un problème de physique, oui, il y a un problème de physique. Donc là, c'est des très grandes données. Mais on les trouve partout en astronomie. Un interféromètre moderne, ça a besoin des plus grands calculateurs mondiaux. Un interféromètre utilise au moins un des plus grands calculateurs mondiaux à lui tout seul. Il y a tellement de données qui arrivent que c'est pas... on n'est plus dans Tintin où le professeur Calice fait ses cascules et va acheter des caramels mous. Hein. C'est plus du tout comme ça maintenant. Un astronome, c'est quelqu'un qui va au Chili pour aller monter ses expériences, mais quand il bosse, il est devant son ordinateur comme tout le monde, et dans sa tête, et bien sûr. Donc c'est la science va être totalement modifiée, autant qu'elle a été modifiée par les maths et de façon compatible. Il y a des choses qui ne changent pas quand même, par exemple le fait qu'au bout de 40 minutes, on passe le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, chanson de Brassens, Le Vent. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent et les gens probent, médisent du vent furibond, qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutrent et les gens probent, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Gérard Berry, je me gratte la tête. Je vois pas trop le rapport entre le vent et l'informatique. Alors c'est Brassens, le rapport... d'abord j'adore le pont des Arts parce que je passe souvent dessus, c'est en face de l'Institut, et puis j'adore, puis c'est là qu'il y avait les cadenas, c'était trop rigolo. Et pour faire les photographies d'amoureux qui mettent des cadenas... Si, ils repoussent les cadenas, ils repoussent sur les poteaux maintenant. Mais Brassens m'a vraiment formé parce que Brassens... Dans cette chanson, comme dans les autres, c'est la plus courte de Brassens, ça, c'est une des toutes premières. C'est complètement ciselé, on dirait de belles équations, de belles démonstrations mathématiques. Il n'y a pas un caractère qui dépasse, il n'y a pas de bug. Il y a de l'humour sur le vent qui s'en prend qu'aux fâcheux. Donc pour moi, il m'a quelque part... Je pense que l'écriture, c'est très important. En mathématiques, c'est très important. En informatique, écrire des programmes élégants, c'est absolument fondamental pour qu'ils marchent. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant des langages de programmation ? Ah ben, il y a beaucoup de langages de programmation. Parce j'ai commencé au Fortran. Ah oui. COBOL ensuite. Mes étudiants en parlent beaucoup plus. Ah ben, il y a beaucoup de langages de formation. Il y a des milliers et des milliers. Moi, j'en ai créé une famille. Enfin, avec des copains, on a créé toute une famille. Parce que simplement... Il y a beaucoup de langages mathématiques aussi. Ils ont tous la même carrosserie. Les symboles, quels que soient, ils existent, appartiennent, qui sont assez récents d'ailleurs. Mais dès qu'on va dans une spécialité donnée, il y a des dialectes de partout. Et ben c'est la même chose. Puis il y a beaucoup d'hommes qui créent des nouvelles choses. Donc en maths, il s'est créé énormément de notations dans l'usage. Mais simplement, l'informatique va beaucoup plus vite parce qu'elle est liée à la pratique et puis elle est moins dure, elle est moins développée, elle est moins dure, elle est pas forcément moins dure, mais on est dans la période bénie où on, comme à la physique en 1920, on se met à tout fabriquer. Il y a énormément de nouveaux concepts et qui ne s'intègrent pas dans les anciens langages. Donc il n'y a pas de traduction, on peut pas traduire n'importe quel langage en un autre. Ben des fois si, c'est-à-dire il y a des langages qui sont presque pareils. Après il y a des modes, il y a des individus, il y a des combats, il y a des clans, etc. Mais il y a aussi des langages extrêmement différents. Celui que j'enseigne en ce moment, Esterel par exemple, qui est fait pour faire des circuits ou des avions ou des choses comme ça, mais il ressemble absolument pas autrement qu'en surface à des langages comme Fortran, Cobol, Python, etc. C'est complètement différent dans l'esprit et dans la forme. Et il y en a des tas d'autres. Et c'est normal, c'est un phénomène. De même que les langues sur la Terre, il y en a plein, il s'en est inventé plein. Et il y en a qui disparaissent maintenant, ce sera probablement vrai pour les langages. Il y a beaucoup qui ont disparu des langages. Mais il y en a qui ont apporté des avancées conceptuelles absolument fondamentales. Puis il y a des styles, comme en musique. En musique, il y a le jazz et la musique classique. Oui, mais il y a des dictionnaires pour les langages. Il y a des dictionnaires, ouais, mais un dictionnaire, ça dit pas grand-chose. Hein. Pour la traduction ? Ah ben non, par exemple, je regarde le mot intelligence, parce que comme on en parle beaucoup en ce moment, ah genre, bah oui, mais je le regarde sens le mot anglais. Intelligence, je trouve que les définitions sont absolument foireuses dans toutes les langues, et de façon assez différente, c'est rigolo. Vous pouvez donner un exemple ? On pourrait dire la même chose du mot tank, dont les définitions sont toujours autoréférentes. Oui, bah, c'est ça, on ne peut pas être autoréférent en informatique, nous, hein. On ne peut pas. La seule référence qu'on a, c'est la machine totalement stupide, qu'elle soit Turing ou Pentium ou n'importe quoi. Nous n'avons aucune interprétation. Nous ne parlons pas à des hommes, nous parlons à des machines qui ne savent pas ce qu'elles font, qui n'ont aucune éducation. Donc, nous n'avons pas du tout le même problème que les langues, qui est que de supposer que notre interlocuteur va nous comprendre, même si on ne dit pas exactement ce qu'on veut. Donc, la machine, c'est pas ça. La machine, c'est d'une bestialité absolue. Donc, il faut qu'on lui dise les choses avec une précision absolue. Et elle va faire nos bugs avec une précision absolue aussi. Alors, on a parlé du LHC, de la découverte du boson de Higgs. Vous écrivez quelque part, on cherche non plus une aiguille dans une meule de foin, mais un brin de foin dans une meule d'aiguille. Oui. C'est au CERN qu'a été inventé le web, hein, par deux ingénieurs. Oui. Qui voulaient trouver un moyen d'échanger des données très nombreuses un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ? Oui, il y a effectivement, par exemple, quand on développe des très gros programmes, très compliqués, qui font des choses très importantes, il faut quand même comprendre qu'il y a énormément de programmes qui font des choses pas très importantes. Hein, la plupart des applications de téléphone, si elles n'étaient pas là, ça ne changerait pas la vie. Mais il y en a d'autres qui font des choses très importantes, comme par exemple de faire marcher Internet. Dans ces choses-là, l'erreur, qui peut être très très importante, est vraiment cachée. Un exemple, c'est la faille Spectre. La sécurité informatique est un très gros problème. La faille Spectre... Gros chapitre dans votre livre. Hein. Oui, gros chapitre dans la vie courante à l'heure actuelle. Hein. Par exemple, Equifax, la grande société de crédit américaine, de certification des capacités de crédit... s'est fait pirater les comptes de 150 millions d'utilisateurs avec les numéros de carte bleue, d'adresse, téléphone, tout ça. Bon, en informatique, on fait pas les choses en petit. Hein, quand on en piquait un ou 150 millions, c'est pas très différent quelque part. Petite cause, gros effet. Petite cause, gros effet. Et par exemple, on le voit, les gens sont pas au courant. Hein. Les pacemakers des quatre plus grands fabricants ont été analysés par une boîte de sécurité américaine là, cet été. Et ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs milliers de trous de sécurité dans chaque pacemaker. C'est-à-dire qu'il était éminemment facile de prendre le pouvoir sur le pacemaker de quelqu'un à distance. Et pour montrer l'ignorance, parce qu'il y a une très grande ignorance dans le domaine, les fabricants ont répondu « Oui, mais c'est pas gênant, parce que les machines qui permettent de programmer les pacemakers ne se trouvent que dans les hôpitaux ou chez les cardiologues patentés. » Et les gens de l'article ont répondu « Vous savez, on a mis 10 minutes à les acheter sur eBay. » Donc, voilà. Donc, la faille Spectre, à l'heure actuelle, est un truc extraordinaire. C'est qu'il exploite des propriétés internes des microprocesseurs qui sont sur des algorithmes prouvés corrects, mais on n'a pas pensé à ce qu'on appelle un canal caché. C'est-à-dire, il y a une méthode de faire marcher ces algorithmes parfaitement corrects pour lire la mémoire du voisin. Ce que vous me dites fait penser à une phrase de Paul Valéry qui disait « L'homme sait en général ce qu'il fait, mais il ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. » Oui. Est-ce qu'il y a une maîtrise, à votre avis, de ce qui se passe dans le domaine de l'informatique ? Alors, elle est à degré variable, à géométrie variable selon les secteurs. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens peu formés qui font de l'informatique, ce qui est normal, parce que le sujet grandit commercialement. Les gens doutaient que ce soit une industrie récemment. Bon, c'est juste en train de devenir la plus grande du monde et vite. Des gens qui, dans les gens qui fabriquent l'informatique, c'est comme partout, il y a toutes sortes de gens. Il y a des plombiers compétents, des plombiers pas compétents. Facile de reconnaître un plombier pas compétent, hein, c'est s'il a un regard fuyant. Ça c'est de la déformatique. Il y a beaucoup de gens qui programment à l'arrache. Et par exemple, on le voit sur les applications de téléphone, où chaque mise à jour se termine par la formule rituelle. correction de bugs et amélioration de la stabilité. Stabilité, amélioration de la stabilité, c'est un moyen moderne de dire que ça marche pas encore. Alors quand on fait des avions, faut être sérieux. Donc il y a des processus de certification qui sont pas encore parfaits. Moi, j'ai beaucoup utilisé les processus de démonstration mathématique. Montrer, c'est Turing qui a inventé ça, 1949, il a dit tester un programme, c'est pas forcément la bonne façon de faire. Il est mieux de démontrer mathématiquement qu'il marche. Et on sait le faire sur pas mal de choses, et on sait le faire non seulement mathématiquement, mais en machine, de façon beaucoup plus faible que nous. Donc ça, c'est une voie d'avenir pour les choses très difficiles, pas pour le tout venant, parce que c'est trop difficile. Mais on voit les programmes qui partent en vrille dans tous les sens. Hein. Louvois est un programme célèbre, analysé récemment dans une émission de radio assez intéressante d'ailleurs, La Paye des Armées, qui a été un véritable désastre. Oui, alors on parle aussi beaucoup du deep learning, l'apprentissage profond, on parle d'intelligence artificielle, vous l'avez vous-même évoqué. Et on dit par exemple que les machines sont capables de reconnaître des chats, des animaux, etc. parce qu'elles ont été éduquées pour cela, mais on ne sait pas dire comment elles ont fait pour le reconnaître. Autrement dit, ce sont des sortes de boîtes noires, mais pour rassurer les gens, on dit mais finalement il y aura toujours un humain qui prendra la décision finale. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce qu'un humain pourrait avoir un esprit critique par rapport aux décisions des machines si on ne sait pas comment les machines arrivent aux décisions qu'elles prennent ? Alors, c'est une question centrale et Stéphane Malat, qui a fait une leçon inaugurale phénoménale qui est visible sur le web il y a 15 jours, non, un peu plus peut-être, un mois, essaye de comprendre ça. Ces machines, les réseaux d'apprentissage, ont un très très grand nombre de valeurs numériques à l'intérieur. Ça peut être des dizaines ou des centaines de millions pour les images, alors que beaucoup plus grand que les images qu'elles regardent. Et l'apprentissage va mettre à jour, effectivement, ces coefficients. On sait pas très bien, on sait comment ça marche, on sait ce que ça fait, mais on sait pas très bien interpréter le résultat. Donc après, une fois que la machine est au point, elle va dire c'est un chat, c'est un chien, et on ne sait pas pourquoi. Alors les gens, il y a deux sortes de gens, les gens qui disent mais c'est pas grave, c'est vrai aussi pour les médecins qui savent pas pourquoi ils font des diagnostics, ce qui est pas totalement faux, pas totalement vrai non plus, j'espère, heureusement. Et donc ça, c'est les extrémistes du on s'en fiche, et les extrémistes du et c'est extrêmement dangereux. En fait, on manque d'expérience. Mais on voit des phénomènes très étonnants. Sur les voitures automatiques, une des questions, c'est comment est-ce que des voitures automatiques qui vont conduire en face d'hommes qui ne sont pas très brillants non plus, hein, dans les conducteurs aux États-Unis par exemple, c'est pas forcément très simple. Et Uber et Lyft, les deux grandes sociétés de VTC, là, viennent de faire une demande au gouvernement américain dans les États qui est de dire interdisons les villes aux conducteurs humains. Parce que comme ça, on n'aura pas ce problème d'interaction. Là, je pense qu'on est dans la farce, là. Faut pas quand même exagérer. Hein. Y a des gens qui pensent que les hommes doivent être au service des ordinateurs. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Mais en médecine, ce problème va se poser. On va le discuter dans le congrès du 2 mai. Un médecin qui a un diagnostic automatique par un algorithme qui est vraiment bon, par exemple en dermato, ils commencent à être très très forts les algorithmes. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça veut dire aussi que le problème n'est pas forcément dur. Mais les algorithmes deviennent bons parce qu'ils ont beaucoup de données. Les algorithmes deviennent... Ah oui, les gens qui pensent qu'avec peu de données on va faire des algorithmes bons, les gens du domaine disent c'est notre sujet de recherche. Ils ont absorbé beaucoup de cas. Ils ont absorbé énormément de cas et surtout ils ne traitent qu'un seul problème. Un enfant de 2 ans, il apprend simultanément à parler, à chanter, à faire du vélo, à écrire, à dessiner, à jouer, à comprendre comment pirater n'importe quel appareil, à entrer en conflit ou en amour avec son prochain. Donc un enfant de 2 ans, ça fait tout ça à la fois. Ces algorithmes, pour l'instant, ne font qu'une chose à la fois. Donc il y a dans les, par exemple, dans beaucoup de journalisme, il y a une confusion totale entre c'est un sujet de recherche fascinant et c'est déjà au point. Et on sait, dans toutes les sciences, la physique, par exemple, a mis 100 ans à vérifier certaines découvertes intellectuelles. Donc, on sait vous que ça va pas marcher comme ça. Vous pensez aux ondes gravitationnelles. Celles aux ondes gravitationnelles, par exemple. Un siècle, exactement. Voilà, exactement. Et ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'y arrivera pas à faire. Cette façon de dire que s'intéresser au problème, c'est équivalent à l'avoir résolu, qu'on entend en ce moment sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas employé par les gens du domaine. Mais est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui dit pas ça lui hein. Oui, mais est-ce qu'il y a pas un problème avec le mot intelligence qui en anglais n'a pas exactement le même bien sens sûr qu'en français. Pour ça, moi personnellement, j'aime bien le mot apprentissage qui est un mot précis. Intelligence est une quête. C'est même une quête du sens du mot, pour tout dire. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Vous dites dans le livre que l'ordinateur quantique, on ne sait pas s'il est possible ou s'il n'est pas possible. Oui. Donc il est dans un état de superposition quantique, ce qui est logique. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement en quoi le fait qu'il soit possible un jour changerait la face profonde de l'informatique? Alors ça, on ne sait pas non plus, contrairement à ce qu'on raconte. On dit qu'il y a des algorithmes particuliers qui sont beaucoup plus adaptés à des calculs massivement parallèles. Il y a des choses qui seraient possibles de faire des algorithmes quantiques nettement plus vite qu'avec des algorithmes classiques. Il n'y en a pas tellement. Par exemple, pour l'instant, il n'y en a pas tellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est un sujet de recherche fabuleux. De même que fabriquer les machines en évitant la décohérence quantique, c'est pas encore fait, mais ça bosse. Ça progresse. Ça bosse, oui, mais il y a beaucoup de marketing, parce que comme c'est les industriels qui font ça, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Hein. Je veux dire, c'est normal, ça. Mais ça progresse, bien sûr, ça progresse. Mais on ne sait pas, aucune des personnes que je connais dans le sujet ne dit que c'est sûr de marcher. Donc laissons les gens travailler. Et sur les algorithmes, c'est un peu pareil. Par exemple, on dit ça va casser les codes secrets d'Internet. Ça, c'est vrai. Si on a un ordinateur quantique de taille suffisante, on peut casser des codes secrets d'Internet, ceux qui sont utilisés dans HTTPS. Mais les codes post-quantiques sont déjà en normalisation, c'est-à-dire les codes dont on sait qu'ils seront pas cassables par le quantique. Donc j'entends souvent des gens dire « l'ordinateur quantique est infiniment rapide ». Ça, ce serait cool, mais c'est juste pas vrai. Au mieux, il est... Sur certains problèmes, il peut être exponentiellement meilleur. En général, c'est plutôt racine carrée et c'est sur un type de problème quand même très particulier. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'on fait avec des ordinateurs, c'est pas pertinent. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant du tout. Les problèmes que ça pourrait résoudre sont très importants, en particulier pour la physique. Mais les gens pensent qu'ils vont remplacer leur ordinateur par un ordinateur quantique. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est une machine dont on comprend encore pas très bien comment on l'a fabriqué, ni qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais c'est un sujet de recherche fabuleux. J'avais une question, Gérard Berry. Quand je vous ai présenté, j'ai rappelé que vous étiez chercheur en informatique, professeur au Collège de France, et aussi membre éminent du Collège de pataphysique. Oui. Et donc la question que je voudrais vous poser est celle-ci. Est-ce que pour être un bon logicien, pour bien comprendre le langage machine, il faut être aussi pataphysicien? Moi, je pense que ça aide toujours d'ouvrir les fenêtres. Et par exemple, en logique, la logique a beaucoup progressé avec l'étude des paradoxes. Les paradoxes sont des toutes petites phrases. Par exemple, le langage de programmation que je présente en ce moment, Esterel, suppose, fait une hypothèse qui est extraordinaire mathématiquement et pratiquement, qui est que la vie serait beaucoup plus simple si les ordinateurs calculaient infiniment vite. Pas quantiquement, infiniment. Mais comment on programme un ordinateur qui va infiniment vite? Et bien là, on trouve des paradoxes. Et ces paradoxes sont très bien faits par les artistes. Le meilleur, et celui que j'utilise comme devise pour mon cours, c'est le chat de Philippe Gueluc, qui est un grand créateur de paradoxes, qui est devant un plan de Paris ou de Bruxelles, je ne sais plus, où il y a marqué « vous êtes devant un plan » et il y a marqué « vous êtes ici ». Et il dit « les nouvelles vont vite ». Et donc ça, c'est un paradoxe extrêmement intéressant. J'ai juste passé 10 ans de ma vie à essayer de le résoudre. Maintenant, c'est fait. Et on a trouvé que pour le résoudre, il fallait revenir au fondement de la logique qu'on appelle la logique constructive. Et pour montrer que la solution était bonne, il fallait montrer que l'électricité dans les circuits, dans les circuits 0-1, l'électricité représente exactement non pas la logique classique d'Aristote, mais la logique constructive inventée au XXe siècle et souvent considérée comme pas intéressante. Donc en fait, il y a un théorème qui dit dans les circuits, l'électricité, c'est exactement la même chose que la logique constructive. Ça a été 20 ans de boulot, ça. Et ça a tout résolu dans notre sujet. Tout résolu. Voilà, donc on ne peut pas trouver ça en gardant le nez dans le gazon. Il faut lever la tête. Et donc les paradoxes logiques ou autres, ceux qu'on trouve dans le langage, par exemple, aident à penser. Voilà. Et Brassens, c'est pour ça que j'ai passé le vent aussi, l'utilisation du langage par Brassens, de ce langage ciselé, qu'on retrouve, et j'ai pas mal travaillé pataphysiquement dessus, sur les paradoxes qui nous font rire. Un paradoxe qui nous fait rire, c'est bon signe. Je disais, par exemple, si vous arrivez à l'hôpital et qu'on vous dit qu'on va vous faire une anesthésie dernier cri, méfiez-vous. Ça fait pas rire, forcément. Si, ça fait rire, parce que ça ne nous arrive pas. Si vous n'êtes pas celui qui arrive à l'hôpital. Oui, voilà, c'est ça. Mais celui qui le dit s'en aperçoit pas. Les paradoxes, c'est s'apercevoir des choses. Le travail, pour moi, le travail de la déformatique, c'est comme le travail scientifique, c'est de s'apercevoir des choses qu'on n'a pas vues. C'est pas en regardant ce qu'on voit qu'on résout les problèmes. Donc c'est en regardant ce qu'on voit et en allant se promener. On s'écarte et on voit des incohérences. On s'écarte et on voit des choses qui peuvent être des incohérences ou de nouvelles cohérences. Ou paf, la solution apparaît. Moi, j'ai jamais pensé que c'était en réfléchissant. Quand on réfléchit dans mon travail, et chez beaucoup de mes copains, c'est pareil. En réfléchissant, on malaxe le matériau. Mais trouver la solution, ça se fait pas en réfléchissant. Vous parliez de Brassens, qui est votre chanteur préféré. On sent une grande influence par Pierre Dac quand on vous lit. Pierre Dac, oui. Qu'est-ce qui vous apprend, Pierre Dac? Qu'est-ce qui vous aide à faire de la logique? Mais bien sûr. Quand Pierre il dit, Dac par exemple, disait, rien ne sert de réfléchir, il faut. Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. C'est une phrase très intéressante parce qu'on ne sait jamais dans quel sens la prendre. Je me suis trompé moi-même. Oui, ben voilà. Pierre Dac était un grand créateur de devises et de paradoxes et de phrases très intéressantes et justement de collisions de langage comme quand on lui a dit qu'il serait guillotiné le lendemain matin, le condamné a perdu la tête. D'accord, donc ça c'est un paradoxe sur le temps et c'est très intéressant parce que ces phrases-là nous emmènent ailleurs et c'est ailleurs qu'il y a les solutions. Donc elles nous emmènent dans les domaines où il faut penser pour trouver que la solution au problème qu'on a, elle n'est pas dans le problème. Donc, d'ailleurs, les Shadok disaient, la définition de la science, c'est très bien, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous-même, vous inventez des phrases, un peu comme Pierre Dac? Oui, bah, ça c'est une de mes passions. Hein. On a une œuvre collective de métaphysique. Allons-y, bah, par exemple, en tant que photographe, moi, personnellement, j'ai un regard très objectif, de façon absolument évidente. Ou alors, dans les scientifiques, j'aime bien les géologues, par exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toute discussion scientifique, le géologue adore apporter sa pierre. Les mots sont extraordinaires. Ou par exemple, les astronomes aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les filles des astronomes ont tendance à devenir danseuses étoiles. Hein ? J'ai pas observé ça de façon massive. Voilà. Et puis, il y a des gens, bah, pas drôle, par exemple, les opticiens. Quand il fait du cheval, l'opticien est sévère avec sa monture. Et ce genre de travail, pour moi, c'est vraiment très important, quoi. Par exemple, après votre anesthésie des derniers cris, si vous voyez un chirurgien qui travaille d'arrache-pied, il faut encore plus se méfier, d'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment aller chercher les solutions dans un monde qui n'est pas le monde de la déduction logique, mais le monde de l'invention. Merci Gérard Berry d'avoir pris avec nous le temps de parcourir toutes sortes de chemins qui répondent à la question posée, pourquoi et comment le monde devient-il numérique? Merci à vous. Merci. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Julien Douminc et à la réalisation François Connac. Suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.